Même si samedi, les Jeux du Québec ont commencé depuis hier, et question de savoir un peu comment que ça se passe, ben, on parle avec celle qui sera avec nous durant les Jeux du Québec, c'est Camille Girard. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, évidemment, comment ça s'est passé hier? On va parler avant tout de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que on peut qualifier ça de succès? Oui, c'était vraiment une très belle soirée, beaucoup de plaisir. C'était bien organisé. Je pense que tout le monde aimait ça, autant les athlètes, les entraîneurs, les missionnaires. Je pense que c'était vraiment une belle soirée. OK. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde quand même? C'était quoi? Je sais que ça s'est vendu à l'espace de 20 minutes, mais est-ce qu'on peut qualifier que c'était vrai? Il y avait beaucoup de monde? Oui, c'était salle pleine. OK, il y avait une salle pleine, OK. Et là, les compétitions ont commencé depuis ce matin. Comment ça s'est passé? Là, la température est très, très mauvaise à Dolbeau-Missisni. J'imagine que c'est la même chose à Alma. D'abord, il y a dû avoir des. Est-ce qu'il y a des compétitions qui ont été annulées? Non, aucune compétition n'a été annulée. On avait peur que, par exemple, le ski de fond soit annulé, mais la compétition a toujours eu lieu. Puis même à ça, il y avait d'énormes des conditions qui étaient très belles, là. OK. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut signaler? Est-ce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a des médailles jusqu'à maintenant? Oui, donc on a deux médailles d'or. La première, c'est en ski de fond à la section de compétition contre la montre. Donc, c'est Anaïs Côté. OK. Est-ce que tu sais d'où qu'elle Oui. vient? Juste si vous me laissez un petit seconde. Je pense qu'elle vient du lac Saint-Jean, mais OK. l'endroit précis, je OK, l'ai sous les yeux. Elle vient de Saint-Bruno. Saint-Bruno. Et l'autre, donc c'est une belle médaille. Est-ce que c'était une médaille qui était attendue? Oui, c'était une athlète, effectivement, qui était à surveiller. OK. Et dans les autres médailles, parce que tu as une autre médaille d'or qui a été remportée? Oui, c'est en patinage de vitesse. Ben, ça, c'est Puis pas on surprenant. parle de Mary OK. Donc, Jane. ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est en courte piste, j'imagine, c'est ça? Pardon? Est-ce que c'est en courte piste? Est-ce que c'est. Aujourd'hui, c'était les 1000 mètres. OK, donc c'était les 1000 mètres qui étaient aujourd'hui. Donc, c'était vraiment. Elle aussi, c'est une athlète qu'il fallait surveiller, j'imagine? Oui, c'est une athlète qui on prévoyait qu'elle allait se démarquer. Elle est originaire de l'Abbé, si je me trompe pas. OK. Donc, maintenant, y a-t-il des médailles d'argent également? Y a-t-il des médailles de bronze ou des autres performances à signaler? On a une autre médaille d'argent qui est Victoria Garou OK. en patinage de vitesse également. Elle était à 4 centièmes de seconde de remporter la médaille d'or. OK. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller aussi. Ce soir, est-ce qu'il pourrait y avoir des possibilités de médailles? Oui, dans les compétitions qui restent, c'est sûr qu'il peut y avoir des possibilités. Il reste une section de patinage de vitesse où la plupart des athlètes qui ont terminé leur compétition sont sur le site de patinage de vitesse pour encourager la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Donc, on rappelle que c'est disponible sur le site des Jeux du Québec si vous voulez voir la compétition en web diffusion. À RDS, ce soir, je pense que c'est RDS2, 18h30. Et nous, ben. Dis-moi, le prix d'entrée, c'est combien, hein? Si je me trompe pas, c'est gratuit. OK. Bon, ben, c'est fort intéressant. Ben, Camille Girard, un gros, gros merci, puis on s'en reparle. Parfait, à demain. Voilà, Camille Girard qui est notre attaché de presse pour l'équipe de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va participer aux Jeux du Québec.